Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 4 décembre, nous souhaitons une bonne fête au Barbara, ça vient du latin signifiant étrangère. Barbara est affective, souvent déconcertante car elle est assez secrète et introvertie. Cela ne l'empêche nullement lorsqu'elle est en confiance ou dans une atmosphère favorable de communiquer avec aisance et entrain. Ainsi, tour à tour, pourra-t-on la voir solitaire et sauvage, fuyant le monde et se repliant dans sa tour d'ivoire, puis poussé par sa curiosité ou stimulé par son environnement, s'ouvrir et rechercher la communication. Quoi qu'il en soit, c'est une personne à part, mystérieuse et inaccessible, et il est difficile de la comprendre ou même de l'aborder. D'une intelligence éclectique, elle fait montre tout à la fois d'un esprit critique, voire cynique, et d'une fascination pour l'irrationnel, l'hétérodoxe, l'étrange. Son originalité la fait se démarquer des autres avec plus ou moins de bonheur, surtout dans l'enfance, où elle vivra plutôt sa différence comme une marginalité et risquera de renforcer son inhibition et de développer sa susceptibilité, voire même un certain sentiment d'infériorité. Dicton du jour, à la Sainte Barbe, soleil peu arde, ou encore pour la Sainte Barbe, l'âne se fait la barbe. Célébration internationale, aujourd'hui en Inde, c'est le jour de la marine, et en Pologne, c'est le jour des mineurs. Et ça s'est passé un 4 décembre 1975, la République démocratique populaire du Laos s'était proclamée, et en 1980, c'était la dissolution du groupe de rock Led Zeppelin. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le groupe The Birds et leur titre Turn, Turn, Turn. Time to cast away stones, or time to gather. Turn Turn Turn du groupe The Birds sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 4 décembre 1937. Naissance de Corinne Marchand, actrice française connue pour son rôle de Cléo dans le film Cléo de 5 à 7. Vue également dans Borsalino dans le rôle de Madame Rinaldi. À la télé dans Un homme en colère, Sous le soleil ou encore L'Instit. 1944, naissance de Chris Hillman, chanteur-guitariste américain du groupe The Birds. 1949, naissance de Jeff Bridges, acteur américain vu dans King Kong dans le rôle de Jack Prescott. En 1982, dans Tron, dans le rôle de Kevin Flynn alias Clou. Ainsi que dans la suite, hein, Tron l'héritage, sorti des années plus tard, hein, en 2010. Vu également dans Kiss Me Goodbye, Iron Man dans le rôle d'Obadiah Stane alias Iron Monger. Crazy Heart dans le rôle de Bat Blake, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. Et vu également dans Kingsman, le cercle d'or dans le rôle de l'agent Champagne. 1953, naissance de Jean-Pierre Darroussin, acteur français, vu dans On ne meurt que deux fois, un air de famille dans le rôle de Denis, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle. On connaît la chanson, Marius et Jeannette, Ah si j'étais riche dans le rôle d'Aldo, Le cœur des hommes 1, 2 et 3 dans le rôle de Manu, Un long dimanche de fiançailles dans le rôle de Benjamin Gordes, Les neiges du Kilimandjaro, Marius et Fanny, hein, les films de Daniel Auteuil dans le rôle d'Honoré Panis, La promesse de l'aube, En octobre dernier dans Chacun pour tous dans le rôle de Martin, et vu également à la télé dans Le bureau des légendes de la saison 1 à la saison 4 dans le rôle d'Henri Duflo. 1954, naissance de Tony Todd, acteur américain vu dans Platoon dans le rôle de Warren, La nuit des morts vivants dans le rôle de Ben, dans Candyman 1, 2 et 3 dans le rôle de Daniel Robitaille alias Candyman, Destination finale 1, 2 et 5 dans le rôle de William Bloodworth, à la télé dans Charmed, Smallville, Esprit criminel, Chuck dans le rôle de Langston Graham, le directeur de la CIA, 24 heures chrono saison 7 dans le rôle du général Benjamin Juma, ou encore Hawaii 5-0. 1963, naissance de Sergueï Boubka, athlète ukrainien, un spécialiste du saut à la perche qui a battu 35 records du monde durant sa carrière, ancien détenteur, hein, du record du monde. Aux Jeux Olympiques, il compte une médaille d'or au championnat du monde, 6 médailles d'or et une médaille d'or également au championnat d'Europe. 1964, naissance de Marissa Tomei, actrice américaine, vue dans Mon cousin Vinny, dans le rôle de Mona Lisa Vito, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce que veulent les femmes dans le rôle de Lola, La défense Lincoln dans le rôle de Margaret McPherson, Les marches du pouvoir de George Clooney dans le rôle d'Ida Horowitz, Captain America Civil War ainsi que Spider-Man Homecoming dans le rôle de May Parker, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Spider-Man Far From Home dans, qui sortira l'année prochaine, et vu également dans la série télé As the World Turns dans le rôle de Marcy Thompson Cushing. 1969, naissance de Jay-Z, rappeur américain, homme d'affaires, producteur. 1971, naissance d'Emeric Caron, journaliste français. 1973, naissance de Tyra Banks, actrice américaine, vue dans Halloween Résurrection, dans le rôle de Nora, à la télé dans Le Prince de Bel-Air ou encore Gossip Girl. 1988, naissance de Rémi Grosso, joueur de rugby à 15 et de rugby à 7 français, qui de 2007 à 2013 a joué à Lyon, de 2013 à 2017 à Castres et depuis 2017 il joue à Clermont. En 1979, décédé Maurice d'Orléac, comédien français, père de Françoise d'Orléac et de Catherine Deneuve, vu dans La Présidente, Madame sans gêne ou encore La Grande Bouffe. Et en 2016, décédé Gottlieb, auteur de bande dessinée français, connu pour ses histoires humoristiques, Guéluron, La Rubrique à Braque ou encore Super Dupont. Allez, petite pause avec Jay-Z en futur featuring avec Alicia Keys sur le titre Empire State of Mind. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy with Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Empire State of Mind, Alicia Keys et Jay-Z hein, sur le 107FM, un peu plus de 8h45, on fait un point météo. La météo. Bon, encore aujourd'hui, hein, ce ne sera pas très folichon. On va passer la journée sous les nuages avec un petit peu de pluie encore à prévoir pour ce matin. Quelques éclaircies pour cet après-midi. Des températures somme toute agréables hein, pour un début décembre. Entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera une journée placée sous le signe des éclaircies. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés pour demain après-midi. Midi. Jeudi, ce sera le retour de la pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés pour jeudi après-midi. Allez, on file vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le basket et l'équipe de France qui disputait encore un match de qualification pour le mondial, même si l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée depuis la semaine dernière. Mais elle s'est imposée hier soir face à la Bulgarie, 77 à 53. Et du côté de la NBA, l'équipe d'Oklahoma... de Luka Barrow s'est imposé face à Détroit. Le Français n'a pas joué. Et enfin, l'équipe de Washington de Miami à deux rebonds s'est imposée face à l'équipe de New York de Tilikina qui n'a pas joué, 110 à 107. Un mot de football, bien évidemment, puisque hier soir, c'était la remise du prix tant attendu, le Ballon d'Or. Et malheureusement, le Ballon d'Or 2018 ne sera pas pour un champion du monde français, mais pour un vice-champion du monde croate. Et oui, c'est Luka Modric qui remporte le Ballon d'Or 2018. Il devance au classement Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann qui est troisième, Kylian Mbappé qui est quatrième. Mbappé n'est pas reparti les mains vides de la cérémonie puisqu'il a remporté hier soir le premier trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur jeune du monde de moins de 21 ans. Donc bravo à Kylian Mbappé. Dans la suite du classement pour les Français, il faut aller à la 7e place pour retrouver Raphaël Varane. Ensuite, 11e N'Golo Kanté, 15e Paul Pogba, 17e à égalité Karim Benzema et 29e à égalité Hugo Lloris. Lionel Messi qui partageait le haut de l'affiche avec Cristiano Ronaldo depuis 10 ans est 5e de ce classement. 6e, on retrouve Mohamed Salah. 8e, Eden Hazard. 9e, De Bruyne. Et 10e, Harry Kane. Neymar, lui, est 12e de ce classement. Et à noter qu'hier soir avait lieu également la première remise du Ballon d'Or féminin. Et le prix a été remporté par la Norvégienne Ada Hegerberg, joueuse de l'Olympique Lyonnais. Et en Ligue 1, ce soir, Amiens affronte Monaco, Nice, Angers, Montpellier, Lille. Et en Ligue 2, Nancy se déplace à l'AC Ajaccio et Metz reçoit le Red Star. Et on termine cette actualité avec du handball féminin, l'Euro ce soir, France-Monténégro. Allez les Bleus, on est tous derrière vous. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va donc marquer une dernière pause musicale avec Kenji et son dernier titre intitulé Thiago. Des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami Tiago. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago, Kenji, sur RGM, il est presque 8h52, c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur tout ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, vous retrouverez Durablement Vôtre. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, rediffusion de Memento Mori. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée à Florent Kiefer, le point sur la méduse. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, ce sera Dominique. À 23h, 20 Flight Rock, c'est du rockabilly. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous, bye bye.